Et comment décrire un âme silencieux? Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Ça, c'est celle qui parle là, c'est la sœur Amie. Juge moins quelques heures pour le tatami. La sœur Suzanne Claudon, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Le frère Frédéric, tout naturellement, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, frère. Je vous aime. Amen. Le frère Frédéric, le frère Patrick, Amen. Bonsoir et bienvenue. Non. Là, son micro est fermé. Voilà, il a seulement fait le doigt comme ça. Non. Le couple Trabi et la sœur Shana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Frère Junior. Je suis à votre service. Je suis à votre service. Moi, j'ai une question. Balance la sauce. D'abord, frère, encore toutes mes félicitations. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, n'est-ce pas, ma chère? Amen, amen, amen. Dans un des enseignements, mon frère, tu expliquais quelque chose là concernant le. Pourquoi le Seigneur il posait la question à l'apôtre Pierre. M'aimes-tu? S'il veut paître ses brebis. M'aimes-tu, Pierre? Oui. M'aimes-tu trois fois? Voilà, absolument, mais je n'avais pas tout compris en fait. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose derrière. Eh bien, dans ce pourquoi cas, trois fois? Si tu n'as pas tout compris, il faut bien réécouter encore. C'est simple, n'est-ce pas? La sœur Claudon. Comment il va déjà, monsieur Claudon? Pardon? Comment il va, monsieur Claudon? Il va très bien par la grâce de Dieu. Et Gabi va bien, Alexia? Oui, ils vont tous bien, vraiment. Tu les fais un coucou de ma part. Bien ici. Tu les fais un coucou de ma part, d'accord? Je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Je vous aime. Ok. J'attends les questions. S'il n'y en a pas, je vous en pose. Oui, alors, apôtre. Je pose ce frère Tobi. Moi, ma question là, en fait. Non, j'ai demandé si j'en pose. En fait, je pose la question. Oui, pose. Donc, la sœur Claudon étant de poser la question, laissons là, elle finit de poser ses questions, puis on va en poser. Oui. Apocalypse 11, verset 2. Je ne comprends pas trop bien cette partie, en fait. Quand il dit les nations fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. C'est quoi? C'est fouleront, c'est le mot, en fait, fouleront. Ça veut dire quoi? Fouler. J'ai pas compris, en fait. Le frère Trabi, la question t'est posée. Tu te moques de moi, mon frère? Non, je souris. Comme toi, tu as de sourire actuellement. Et comme le frère Trabi rit aussi, et la soeur a mis à de rire. Quelle est la première question? En fait, dans la phrase, dans Apocalypse 11, verset 2, j'ai pas très bien compris le sens de les nations fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Fouleront, ça veut dire quoi, les nations fouleront? Fouleront. Oui. C'est de Jérusalem, pas l'enfant. Oui. Fouleront, c'est comme dédaigner ou bien quelque chose. C'est comme faire du mal ou faire quelque chose de négatif. Rejeter. Pardon? Fouler, c'est marcher, c'est massacrer, c'est ça, non? Hein, ma soeur? C'est piétiner, déshonorer. Vous êtes tous des biblistes, non? En fait, c'est la manière dont ils sentent, hein? Pendant ce temps-là, c'est 42 mois, un langage prophétique, comme il a dit. Hein. Ok. Des questions? Je posais maintenant ma question. Qu'on vérifie si la sœur a fini les siennes. Non, mais vas-y, mon frère, j'en ai d'autres, mais plus tard. Vas-y, mon frère. Vas-y, ma sœur, faut poser des questions. Vas-y, ma sœur. Mais là, pour édifier. Alors, toujours dans Apocalypse, chapitre 14, verset 19. C'est quoi la grande cuve de la colère de Dieu? Est-ce que le verset 20 du chapitre 14 a un rapport avec ce chapitre-là? Merci. Oui, alors on va peut-être y aller, c'est mieux, non? Oui, tu lis. Apocalypse 14, verset 19. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendagea la vigne de la terre et jeta la vendage dans la grande cuve de la colère de Dieu. Ça, c'est Apocalypse 14, verset 19. Il faut prendre un peu plus haut là-bas. Quand tu prends tout près comme ça, on ne peut pas comprendre. Peut-être un peu plus bas, non? Elle continue. Même si elle prend un peu plus haut, même un peu plus bas, c'est un casse-tête chinois, l'Apocalypse, là. C'est toujours des mots de texte. Mon frère, tu veux que j'aille plus haut, c'est ça? À partir du verset 17, j'ai peut-être Vas-y, lis. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendage les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendagea la vigne de la cuve, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sorti de la cuve jusqu'aux morses des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Et la question c'était c'est quoi la grande cuve de la colère de Dieu? Je crois qu'il parle du jugement, non? Voilà, aussi simple que possible. D'accord. Donc, ma soeur, il y a une piscine là-bas que quand tu fais quelque chose, quand tu es en colère, il met dedans. Il prend pour chaque personne, il met dedans. Imagine combien de personnes sont déjà passées sur cette terre. Il a rempli la cuve là de la colère, quoi. D'accord, la colère. Il va déverser ça sur quelqu'un, quoi. Voilà. Donc, prends le temps de lire Esaïe, chapitre 63, d'accord? Allons-y là-bas, Esaïe 63. Esaïe 63. Oui. Ok. Donc, Esaïe 63. Berger dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Nous passons de bons moments, n'est-ce pas? Comme toujours. La sœur amie aujourd'hui n'a pas trop sommeil. C'est parce qu'elle a fait en journée. tu es en forme aujourd'hui. Le frère Patrick, ta première expérience, ça te donne quoi? Tu es à l'aise? Il est où? Ton micro est fermé. On ne t'entend pas. Allô? Oui. Moi, ouais, je me sens bien. Tu te sens bien. Mais depuis là, tu n'as pas posé de questions. Ben, comme c'est mon premier jour, j'observe et puis j'essaie de voir comment vraiment ça se passe. Ok. Après. Que le Seigneur te bénisse. Donc tu sais que les prochaines fois tu sauras comment fermer les micros, comment ouvrir, n'est-ce pas? Amen. Ben voilà, que le Seigneur te bénisse. Alors, Esaïe chapitre 63. Esaïe 63. Allons-y à partir du verset 1. Qui est celui qui vient d'Edom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je continue. Qu'est-ce que tu as lu, ma sœur? J'ai lu le verset 63. Non, sais ce que tu as lu. Oui, qu'est-ce que tu y as lu par rapport à la question que tu posais? Ouais. Oui, qu'est-ce que tu as lu donc? Qu'est-ce que tu comprends? Bah, on a l'impression que tu t'adresses à une personne là. Non. Par rapport à la question que tu as posée, qu'est-ce que tu y vois? Tu ne lis pas ça tout simplement. tu lis par rapport à la question que tu as posée précédemment. Relis encore ma soeur. Oui. Qui est celui-ci qui vient d'Edom, de Botra, en vêtements rouges, en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui fouille dans la cuve? J'ai été seul à fouler oppressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Continue. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a rejailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Oui. Et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide. Et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. Et j'ai répandu leur sang sur la terre. Tu vois effectivement qu'ils ont parlé de fouler le peuple dans sa colère. Il y a encore le mot fouler dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, oui. Et donc, fouler, ça veut dire que les deux choses que tu as posées initialement se trouvent dans ces passages-ci. Maintenant, il dit que son bras lui est venu en aide. Le bras de quelqu'un marche, ma soeur? Non, mon frère. Non. Et il a pris la colère pour appui. Donc, ma soeur, ça s'est appuyé sur la colère, quoi. Ma soeur Suzanne, je vous aime tellement. Des questions? Ça va, ma soeur? Amen. Tu as bien compris maintenant? C'est bon, oui, merci. Voilà. Des questions? Les questions sont terminées. Belgique dans la sainteté. Bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Je suis à votre service. Ouais, maintenant que nous sommes dans Apocalypse, hein. Apocalypse 17, à part il décrive un mystère, je ne sais pas ce qu'est un mystère. Jean, je t'ai déjà parlé dessus, s'il y a un instrument dessus. Quoi ça? Apocalypse 17. Oui. Tu veux savoir comment ça? Il parle d'un mystère, je crois, si c'est 17. Je ne sais pas si tu as déjà enseigné dessus. Le mystère de quoi, la Babylone? Oui. Tu as déjà vu le titre de l'enseignement intitulé Le mystère sur Bambaïba? Je vais regarder. Voilà, je crois que la sœur Suzanne Claudon va te poster cela maintenant. Elle est trop forte. Des questions? D'accord. Moi, je voulais savoir si vous avez fini les frères. La sœur Ami n'a jamais de questions. Hein. Elle n'a jamais de questions. Quand vous voulez poser la question, elle dit que non, c'est la question qu'elle voulait poser là-bas. Non, pas, j'ai pas de questions. Le peu que je peux déjà assimiler, c'est déjà bon pour moi. C'est. Amen. Je t'ai déjà parlé de la famille. Non, c'est de toute façon, tu viens de venir ici. Viens. Alors, on continue dans la question avant que ça nous amène dans cette direction-là maintenant. Des questions? En fait, je vous pose une question simple. Si quelqu'un est angoissé sur le cœur et qu'il ne parvient pas à lire la Bible ni prier, comment faut-il faire pour s'en sortir? Lire la Bible. Il ne parvient pas à lire. Il ne parvient pas à prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous pose ma question. J'essaie de prier en esprit, même si parfois, même si les paroles ne sortent pas. Il y a l'angoisse sur le cœur. Quand il reste calme, c'est l'angoisse qui est dans le cœur. prier quand même. Il ne parle même pas à prier. Même si elle ne fait rien, le Seigneur va intervenir. Qu'est-ce qu'elle doit en faire? Rester dans le silence. Donc calme comme ça, n'est-ce pas? Non. Tu peux le faire, problème. Attends, mon frère. Tu peux le faire, ma soeur. Ouais, ok. Donc, frère Trabi pose ta question. Réfléchissez-y, d'accord? Réfléchissez-y. Ça peut faire l'objet d'un enseignement profond aussi. Ça vous arrive souvent de rester comme ça, vous êtes angoissé, vous n'avez pas la paix à l'intérieur, vous ne pouvez même pas prier, la prière, c'est comme si vous êtes déconnecté du Seigneur. Ça vous arrive souvent? Oui. Il faut savoir comment s'en sortir dans cette condition. Parce que c'est dans cette condition que Satan frappe. C'était pas ta question, frère Trabi. Allons-y, ta question était quoi déjà? Mais c'est déjà bien positionné comme ça. En ce moment-là, on est prêt pour écouter ça. Non. Amen. Oui, frère Trabi, il y a tant de questions. Parce que j'ai dit, il y avait des questions à vous poser. En fait, pour moi, je voulais savoir les jardins d'El étaient sur la terre ou bien était où il était en fait. Bonne question. La terre. Voilà. Tu as répondu non. Où? Tu devais la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, dans la zone là comme ça. Oui. C'était pas dans cette zone là. Il y a trop de manioc là-bas, beaucoup de fruits. Tu n'as pas remarqué ça, les arbres fruitiers sont beaucoup là-bas, quoi. Le frère Frédéric, tu as dit c'était sur la terre. C'est où? Ah, là, je dis ça vers l'Asie. Comment? Vers l'Asie. Vers l'Asie, c'est comment? L'Asie est assez vaste, c'est un continent vaste. Vers l'Asie, donc ça dit vers la Russie là-bas, n'est-ce pas? La zone glaciaire, quoi. Vers la Chine en montant là-bas ou vers le continent du milieu. Frère Tabi, le temps qu'il réfléchit pour savoir si c'était en Australie ou pas, je te pose la question. Toi, tu pensais que c'était où? Moi, je pensais que moi, quand je dis, je vois, il dit que ça c'était sur comment on appelle. C'est compliqué. Je pensais que c'était soit. Quand il lit, c'est comme si c'est sur la terre. C'est comme si c'est sur la terre ou bien c'est sur la terre? Mon cher. Comment? Sur la terre. Attends. Et bien, comment tu dis comme si c'est sur la terre? Mon frère, c'est sur la terre. C'est que ça va, ça veut dire que tu as la réponse, non? Parce que c'est un peu mélangé dans ma tête, frère. Qu'est-ce qui est mélangé? C'est mélangé avec la terre et quoi encore? Donc, soit c'était à terre ou en l'air, c'est ça? Est-ce que ça a été les chérubins, ça a été fermé? Pour ne plus qu'une copie, il y a assez là-bas, tout ça, tu vois. Donc, fais attention à ce que tu viens de lui dire. Fais attention à ce que tu viens de lui dire. Qu'est-ce qui a été fermé, frère? Je veux que tu me répondes. Qu'est-ce qui a été fermé? Le jardin. Tu es sûr que c'est le jardin? Le chemin. C'est le chemin qui a été fermé. Le chemin de quoi? De l'arbre de vie. Mais pourtant, tu viens de dire maintenant qu'on a fait le chemin du jardin. Le chemin de l'arbre de vie. Tu vois comment il faut être méticuleux et bien pointu avec la parole, n'est-ce pas? Donc, il ne s'agit pas, on n'a pas fermé le chemin du jardin. Il a fermé le chemin de l'arbre de vie, n'est-ce pas, mon frère? Alors, où est-ce que c'était mélangé dans sa tête? C'était l'arbre qui était mélangé avec le jardin ou le chemin qui était mélangé avec la terre ou c'est quoi? C'est le jardin en fait qui était un peu mélangé dans ma tête. Bon, c'était mélangé donc avec quoi? Il faut qu'on démêle ça parce que si le tapioca est mélangé avec le sable, on peut le trier. Le coco, vous le préparez, le coco, vous triez, non? Oui. Frère Trabi, je veux avancer sur ce terrain-là. Dis-nous, qu'est-ce qui est mélangé? C'est mélangé là, pour la terre, mélangé avec quoi? Pourquoi il faut qu'on démêle ça pour que ça ne crée plus de problèmes? C'est mélangé avec, comment on appelle, la création, tout ça. C'est bizarre, en fait, dans ma tête, quoi. Vous savez que vous allez chez le médecin, vous dites que le médecin, j'ai mal. Il dit que vous avez mal, vous voulez qu'il lui prescrit quand j'ai les remèdes. Quand vous dites que j'ai un mal général, c'est pourquoi on vous donne quoi? Le paracétamol mélangé avec l'aspirine. Tu as dit, tu as posé la question, le jardin d'Éden était où? Sur la terre, en dehors de la terre. Parce que si c'est mélangé, dis comment c'est mélangé, on va démêler. La terre, bon, ok. Parce que c'est pas la terre, c'est que c'est le ciel. Tu vois? Donc ça veut dire que dans ton esprit, c'est mélangé entre la terre et le ciel. Oui. Bon, on va lire un verset, ou mieux deux, oui. Puis je vais te poser la question. Oui. Allons-y donc dans le chapitre 2 de Genèse, versets 8, 9 et 10. C'est simple. D'accord? Oui. Donc, lis doucement. Bien. Avec la ponctuation du verset 8 jusqu'au verset 15. Allons, on y va. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Souligne sol. Voilà. Oui. Oui, allons-y. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Oui. Agréable à voir et bon à manger. Oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Oui. De là, il se divisait en quatre branches. Donc Éden, c'est une localité. Et dans cette localité, comme on peut dire par exemple à Namur, il y avait un jardin à Namur. D'accord? Mm-hmm. Quand on dit jardin d'Éden, ça veut dire que c'est le jardin. Parce que Éden veut dire plaisir. D'accord? Éden, ça veut dire plaisir. Mm-hmm. Donc ça veut dire un jardin de plaisir. Mais plaisir, ce n'est pas l'appellation du jardin. C'est l'appellation du lieu. Comme on peut dire le jardin d'Amsterdam. Ou bien le parc de Waza. Le parc des zoos de tel lieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà. J'espère que vous saisissez bien. Éden, c'est une localité. Parce qu'on dit là-bas qu'un fleuve sortait d'où? Un fleuve sortait d'Éden. Oui. Et pour arroser le jardin. Donc, vous comprenez que le jardin se trouve en Éden. Donc, quand on dit jardin d'Éden, ça veut dire que le jardin qui était positionné dans la localité appelée Éden. C'est bien compris? Oui. Avançons donc maintenant. Et Éden voudrait dire plaisir. Mais allons-y. Le nom du premier est Kishon. Oui. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila. Souligne pays d'Avila. Oui, et d'Avila. Où se trouve l'or? Oui, on va définir maintenant quelque chose. On continue, il y a une définition qu'on va donner, c'est l'or là, de cet or. L'or de ce pays est pur. Souligne, l'or de ce pays est pur. Continuons. Comment tu fais déjà? Et on y trouve aussi le blédium. Oui. Et de la pierre d'onyx. Oui, continue. Le nom du second fleuve est Guion. Oui. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. De Cush. Celui, le pays de Cush. Continue. Le nom du troisième est Idéken. Oui. C'est celui qui coule de l'Orient, de l'Asie. De la Syrie. La Syrie, celui. Oui. Du Orient de la Syrie, ou celui Orient de la Syrie. Orient de la Syrie. Continuons. Le quatrième fleuve est c'est Euphrate, l'Euphrate. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme. Souligne l'Euphrate. Souligne Euphrate. Euphrate. Oui. 14 maintenant. 15. Allons-y. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Souligne cultiver. Bon, maintenant quitte la Bible, tu me regardes les yeux dans les yeux et te pose des questions. Oui. Tu vas me répondre soit par oui, soit par non. Il y a le sol au ciel. Réponds-moi, frère. Il y a le sol au ciel où on peut cultiver? Non. Ok, on continue. Il y a un pays au ciel? Non. Il y a un style d'or au ciel qui n'est pas pur? Non. On a dit que l'or de ce pays-ci là est pur. C'est en train de dire par rapport à d'autres pays, l'or on n'est pas bien. Comment tu dis hein? Il dit qu'on a, il a pris l'homme. Ça veut dire que l'homme n'était pas fait dans le jardin. Il avait été fait sur la terre, dans un autre endroit. Et on l'a pris, on l'a amené dans ce jardin, on l'a introduit dans le jardin pour le cultiver, pour le cultiver, pour le cultiver et le garder. Le Frat, c'est quel fleuve? C'est le fleuve qui est dans quelle zone, frère? Le Frat. C'est proche de quel pays? Israël. Tu parles. Oui, c'est là-bas. Mm-hmm. C'est en Israël, le fleuve du Frat. Les enfants d'Israël traversent l'Israël. Donc, quand ils, quand ils traversent le Frat comme ça, ils traversent en Israël. Les frères, c'est le symbole même de la résistance égyptienne, n'est-ce pas? Et le Nil, n'est-ce pas? Ah, comment me regarder comme ça là? Alors, je pose la question que le frère traduit à travers. Maintenant, c'est mélangé ou c'est démêlé maintenant? Dans ta tête, c'est mélangé ou c'est démêlé? C'est démêlé. Là, maintenant, je te pose une question. Il faut que tu me répondes. Oui. On dit qu'on avait placé un chérubin pour fermer l'accès au chemin de, par rapport au chemin de l'arbre de vie. Cet arbre-là est où? Et que veut dire ce chemin, ce chérubin-là qui a été placé là-bas avec, qui agit des éplets flamboyants? Pardon? C'est quoi l'arbre de vie? L'arbre de vie, c'est le Seigneur. Ok. Que veut dire donc qu'on a placé un chérubin qui agit des éplets flamboyants? Qu'est-ce que ça veut dire pour fermer l'accès? C'est un style d'aveuglement. C'est-à-dire quoi? Donc, ça dit que c'est un aveuglement chérubinique, quoi. C'est un style d'aveuglement pour les incrédules. Qui était incrédule là-bas? Puisqu'on a dit qu'on empêche que Adam ne parle pas là-bas. Il n'y avait que Adam et Ève là-bas, n'est-ce pas, frère? Donc, fermer accès au chemin de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on a de dire par un chérubin qui déploie les épées flamboyantes? J'ai mes questions à poser, à vous poser. Ça, c'est une première question. La deuxième question que je peux vous poser donc maintenant, c'est ce jardin-là. À l'issue du péché, où est-ce que ça se trouve? Répondez. On va pas dormir dans nos maisons aujourd'hui. C'est trop chaud. Moi, j'ai commencé à avoir sué mais déjà. Béjé dans la sainteté, bonne soirée. Ou bien? Tout ça là, il y a les réponses pour ça, frère. Ça c'est clair dans la Bible, c'est devant toi là dans la Bible. Tout à l'heure là, quand tu étais mélangé là, est-ce que tu as écrit un autre verset en dehors de ce que tu as lu là? Non. Dites-vous alors bonne nuit les uns les autres en vous appelant les uns les autres. Vous voudrez avoir l'explication, frère, c'est possible? Oui, c'est possible. Après la réflexion par vous, n'est-ce pas? Donc, la semaine prochaine, c'est ça? L'esprit est suspendu. L'esprit est suspendu comme ça. Oui, comment l'esprit, par rapport à le problème de la mort, les morts sont-ils morts? Ou pensez que j'ai oublié? Je vous observe seulement. Même si on avance 100 ans, je n'oublierai pas. Alors, c'est ami, dis bonsoir, bonne nuit à ta soeur, à tes soeurs, à tes frères. Bonsoir, frère Rabbi, soeur Félicité. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, frère Frédéric. Bonsoir. Et bonsoir, frère. Je ne sais plus ton nom. Patrick. Patrick, ok. Frère Patrick, bonsoir. Et bonsoir, alors, il vous laisse avec Séraphine Makisovi. Je viendrai. Bonne soirée. Bonsoir, ma soeur Suzanne Colvin. Bonsoir. Je viendrai répandre mon cœur. Je viendrai. Soit. Je viendrai à cause de ta bienveillance. Je viendrai m'écouter à ta sainteté. Je viendrai même si mes défauts me disent le contraire. Oh oh, je t'attendrai pour te prendre dans mes bras d'amour. Te dire combien je t'aime, combien tu me manques. Oui, viens avec ton cœur, mon enfant. Oh. Je viendrai te parler. Je viendrai, je viendrai me réfugier dans tes bras d'amour. Oh oh, au-delà de mes limites, je viendrai. Je viendrai devant toi, je me tiendrai devant ta face. Quand bien même tout me dit le contraire, je viendrai devant ta face, Jésus. La sœur Suzanne Colvin, bonne nuit. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Alors, bonne nuit. Merci d'avoir la sainteté. Bonne nuit.